Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet ? Non, monsieur, et je dois ajouter qu'il est bien pauvre près du vôtre. Vous possédez là 6 ou 7 000 volumes. 12 000, monsieur Aronnax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux, et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pourrez en user librement. Je remerciai le capitaine Nemo, et je m'approchai des rayons de la bibliothèque. Livres de science, de morale et de littérature, écrits en toute langue, y abondaient, mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ces ouvrages, je remarquai les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire, la poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque. Les livres de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc., y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle, et je compris qu'ils formaient la principale étude du capitaine. Je vis là tous les Humboldt, tout l'Arago, les travaux de Foucault, d'Henri Sainte-Claire Deville, de Charles, de Milne Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de l'abbé Secchi, de Petermann, du commandant Maury, d'Agassiz, etc. Les mémoires de l'Académie des sciences, les bulletins de diverses sociétés de géographie, etc. Et en bon rang, les deux volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo. Parmi les œuvres de Joseph Bertrand, son livre intitulé « Les fondateurs de l'astronomie » me donna même une date certaine et, comme je savais qu'il avait paru dans le courant de 1865, je pus en conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure. Ainsi donc, depuis 3 ans, au plus, le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine. J'espérais d'ailleurs que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque. Mais j'avais le temps de faire cette recherche, et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du Nautilus. « Monsieur, dis-je au capitaine, je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition. Il y a là des trésors de science et j'en profiterai. » « Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, dit le capitaine Nemo, c'est aussi un fumoir. »« Un fumoir ? M'écriai-je. On fume donc à bord ?»« Sans doute. » »« Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane. »« Aucune, répondit le capitaine. Acceptez ce cigare, monsieur Aronnax. Et, bien qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content, si vous êtes connaisseur. » Je pris le cigare qui m'était offert, et dont la forme rappelait celle du Londres, mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or. Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze, et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis 2 jours. « C'est excellent, dis-je, mais ce n'est pas du tabac. » « Non, répondit le capitaine, ce tabac ne vient ni de la Havane ni de l'Orient. C'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mer me fournit, non sans quelque parcimonie. Regrettez-vous les Londres, monsieur ? Capitaine, je les méprise à partir de ce jour. Fumez donc à votre fantaisie, et sans discuter, l'origine de ces cigares. Aucune régie ne les a contrôlés, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. Au contraire. À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque, et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. C'était un vaste quadrilatère, à pans coupés, long de 10 mètres, large de 6, haut de 5. Un plafond lumineux décoré de légères arabesques distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art avec ce pêle-mêle artistique qui distingue un atelier de peinture. Une trentaine de tableaux de maîtres, à cadres uniformes, séparés par d'étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisseries d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur, et que, pour la plupart, j'avais admirées dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture. Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une Madone de Raphaël, une Vierge de Léonard de Vinci, une nymphe de Corrège, une femme du Titien, une Adoration de Véronèse, une Assomption de Murillo, un portrait d'Holbein, un moine de Velasquez, un martyr de Ribiera, une kermesse de Rubens, deux paysages flamands de Teniers, trois petits tableaux de genre de Gérard Dow, de Mestu, de Paul Potter, deux toiles de Géricault et de Prudhon, quelques marines de Bacuzène et de Vernet. Parmi les œuvres de la peinture moderne apparaissaient des tableaux signés Delacroix, Ingres, Decamp, Troyon, Meissonnier, etc., et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze, d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité, se dressaient sur leurs piédestaux dans les angles de ce magnifique musée. Cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit. « Monsieur le professeur, dit alors cet homme étrange, vous excuserez le sans-gêne avec lequel je vous reçois et le désordre qui règne dans ce salon. » Monsieur, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste ? Un amateur, tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. J'étais un chercheur avide, un fureteur infatigable, et j'ai pu réunir quelques objets de haute valeur. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont 2 ou 3 000 ans d'existence, et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. Et ces musiciens, dis-je en montrant des partitions de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, d'Haydn, de Meyerbeer, d'Hérold, de Wagner, de Gounod, de Masset, et nombre d'autres éparses sur un piano-orgue de grand modèle qui occupait un des panneaux du salon. « Ces musiciens, me répondit le capitaine Nemo, ce sont les contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts, et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. » Le capitaine se tut et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie. Accoudé, sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectai ce recueillement et je continuai de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elle consistait principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan, qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau, électriquement éclairé, retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne. Cette coquille, fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords délicatement festonnés une circonférence de 6 mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ces beaux tridacnes qui furent donnés à François Ier par la République de Venise et dont l'église Saint-Sulpice à Paris a fait deux bénitiers gigantesques. Autour de cette vasque, sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre, étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit ma joie de professeur. Chiffrer la valeur de cette collection était pour ainsi dire impossible. Le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers, et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur, quand je fus interrompu par ces mots. « Vous examinez mes coquilles, monsieur le professeur. En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste. Mais pour moi, elles ont un charme de plus, car je les ai toutes recueillies de ma main, et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches. » « Je comprends, capitaine, je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses. Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs trésors. Aucun muséum d'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan. Mais si j'épuise mon admiration pour elles, que me restera-t-il pour le navire qui les porte? Je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres. Cependant, j'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qui l'anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. Je vois suspendus au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue. Puis-je savoir ? Monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord, et par conséquent, aucune partie du Nautilus ne vous est interdite. Vous pouvez donc le visiter en détail, et je me ferai un plaisir d'être votre cicérone. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais je n'abuserai pas de votre complaisance. Je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique. Monsieur le professeur, ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre, et c'est là que j'aurai l'honneur de vous expliquer leur emploi. Mais auparavant, venez visiter la cabine qui vous est réservée. Il faut que vous sachiez comment vous serez installé à bord du Nautilus. Je suivis le capitaine Nemo qui, par une des portes percées à chaque pan coupé du salon, me fit rentrer dans les coursives du navire. Il me conduisit vers l'avant, et là, je trouvai non pas une cabine, mais une chambre élégante avec lit, toilette et divers autres meubles. Je ne pus que remercier mon hôte. « Votre chambre est contiguë à la mienne, me dit-il, en ouvrant une porte, et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter. » J'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère, presque cénobitique. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette, le tout éclairé par un demi-jour. Rien de confortable, le strict nécessaire seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. « Veuillez vous asseoir, me dit-il. » Je m'assis, et il prit la parole en ces termes. Chapitre 12. Tout par l'électricité. « Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre, voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux, et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre, qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm-glace, dont le mélange, en se décomposant, annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont les instruments habituels aux navigateurs, répondis-je, et j'en connais l'usage. Mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Cet écran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est-ce pas un manomètre ? C'est un manomètre, en effet, mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure, il me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Et ces sondes d'une nouvelle espèce? Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. Et ces autres instruments, dont je ne devine pas l'emploi? Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit « Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui ne plie, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui, il m'éclaire, il me chauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. » « L'électricité ? » m'écriai-je assez surpris. « Oui, monsieur. Cependant, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces. « Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde, et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. » « Je n'insisterai pas, monsieur, et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat. Une seule question, cependant, à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous, puisque vous n'avez plus aucune communication avec la Terre ?»« Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo. Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la terre, et j'ai voulu ne demander qu'à la mer, elle-même, les moyens de produire mon électricité. À la mer ? Oui, monsieur le professeur, et les moyens ne me manquaient pas. J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre les fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient, mais j'ai préféré employer un système plus pratique. Et lequel ? Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur 1000 grammes, on trouve 96 centièmes et demi d'eau et 2 centièmes, 2 tiers environ, de chlorure de sodium. Puis, en petite quantité, des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate de chaux. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments. Le sodium ? Oui, monsieur, mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments benzène. Le mercure ne s'use jamais. Le sodium seul se consomme, et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai, en outre, que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Je comprends bien, capitaine, l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez, la mer le contient. Bien, mais il faut encore le fabriquer, l'extraire en un mot. Et comment faites-vous ? Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction. Mais si je ne me trompe, la dépense de sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez. Aussi, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile, et j'emploie tout simplement la chaleur du charbon de terre. De terre ? Dis-je en insistant. « Disons charbon de mer, si vous voulez, répondit le capitaine Nemo. Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de houille ? Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre. Je ne vous demande qu'un peu de patience, puisque vous avez le temps d'être patient. Rappelez-vous seulement ceci, je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité, et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez. Oh, je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation, mais c'est inutile, puisque je remonte à la surface de la mer quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger, au besoin, et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. Capitaine, répondis-je, je me contente d'admirer. Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. Je ne sais s'ils la trouveront, répondit froidement le capitaine Nemo. Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que j'ai faite de ce précieux agent. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité, une continuité que n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge. Elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes, car, pour moi, il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyez, en ce moment, il est 10 heures du matin. Parfaitement. Autre application de l'électricité. Ce cadran, suspendu devant nos yeux, sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch, et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et, tenez, en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de 15 000 à l'heure. C'est merveilleux, répondis-je. Et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet agent, qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Nous n'avons pas fini, monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo en se levant. Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. En effet, je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin, dont voici la division exacte en allant du centre à l'éperon. La salle à manger, de 5 mètres, séparée de la bibliothèque par une cloison étanche, c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau. La bibliothèque, de 5 mètres, le grand salon, de 10 mètres, séparé de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche. La dite chambre du capitaine, de 5 mètres, la mienne de 2,50 mètres, et enfin un réservoir d'air de 7,50 mètres qui s'étendait jusqu'à l'étrave. Total, 35 mètres de longueur. Les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caoutchouc, et elles assuraient toute sécurité à bord du Nautilus, au cas où une voie d'eau se fût déclarée. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives situées en abord et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer, cramponnée à la paroi, conduisait à son extrémité supérieure. Je demandais au capitaine à quel usage servait cette échelle. « Elle aboutit au canot, » répondit-il. « Quoi ? Vous avez un canot ? » répliquai-je assez étonné. « Sans doute. » Une excellente embarcation, légère et insubmersible, qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer. Aucunement. Ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche, et retenu par de solides boulons. Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus, qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation. On referme l'une, celle du Nautilus, je referme l'autre, celle du canot, au moyen de vis de pression, je largue les boulons, et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement clos jusque-là. Je mâte, je hisse ma voile où je prends mes avirons et je me promène. Mais comment revenez-vous à bord ? Je ne reviens pas, monsieur Aronnax, c'est le Nautilus qui revient. À vos ordres ? À mes ordres. Un fil électrique me rattache à lui, je lance un télégramme et cela suffit. En effet, dis-je, grisé par ces merveilles, rien n'est plus simple. Après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plateforme, je vis une cabine longue de 2 mètres dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, s'occupaient à le dévorer à belles dents. Puis, une porte s'ouvrit sur la cuisine longue de 3 mètres, située entre les vastes cambuses du bord. Là, l'électricité, plus énergique et plus obéissante que le gaz lui-même, faisait tous les frais de la cuisson. Les fils, arrivant sous les fourneaux, communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement. Elle chauffait également des appareils distillatoires qui, par la vaporisation, fournissaient une excellente eau potable. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain, confortablement disposée, et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude, à volonté. À la cuisine succédait le poste de l'équipage, long de 5 mètres, mais la porte en était fermée, et je ne pus voir son aménagement, qui m'eût peut-être fixé sur le nombre d'hommes nécessités par la manœuvre du Nautilus. Au fond s'élevait une 4e cloison étanche qui séparait ce poste de la chambre des machines. Une porte s'ouvrit et je me trouvai dans ce compartiment où le capitaine Nemo, ingénieur de premier ordre à coup sûr, avait disposé ses appareils de locomotion. Cette chambre des machines, nettement éclairée, ne mesurait pas moins de 20 mètres de longueur. Elle était naturellement divisée en 2 parties. La première renfermait les éléments qui produisaient l'électricité, et la seconde, le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice. Je fus surpris tout d'abord de l'odeur sui generis qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. « Ce sont, me dit-il, quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium. Mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins, d'ailleurs, nous purifions le navire en le ventilant à grand air. » Cependant, j'examinais avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. « Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo, j'emploie des éléments benzène et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été impuissants. Les éléments benzène sont peu nombreux, mais forts et grands, ce qui vaut mieux, expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière, où elle agit par des électroaimants de grande dimension, sur un système particulier de leviers et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de 6 mètres et le pas de 7,50 mètres, peut donner jusqu'à 120 tours par seconde. Et vous obtenez alors une vitesse de 50 000 à l'heure. Il y avait là un mystère, mais je n'insistais pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance? Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine? Était-ce dans sa tension excessive, obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte? Était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini? C'est ce que je ne pouvais comprendre. Capitaine Nemo, dis-je, je constate les résultats, et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln, et je sais à quoi m'en tenir sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas. Il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères? Comment remontez-vous à la surface de l'océan? Enfin, comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient? Suis-je indiscret en vous le demandant? Aucunement, monsieur le professeur, me répondit le capitaine, après une légère hésitation, puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin. Venez dans le salon, c'est notre véritable cabinet de travail, et là vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. Chapitre 13. Quelques chiffres. Un instant après, nous étions assis sur un divan du salon, le cigare aux lèvres. Le capitaine mit sous mes yeux une épure qui donnait les plans, coupes et élévations du Nautilus. Puis il commença sa dissertation en ces termes. Voici, monsieur Aronnax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé, à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare, forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre, de tête en tête, est exactement de 70 mètres, et son bau, à sa plus grande largeur, est de 8 mètres. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième, comme vos steamers de grande marche, mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. Ces deux dimensions vous permettent d'obtenir, par un simple calcul, la surface et le volume du Nautilus. Sa surface comprend 1011 mètres carrés et 45 centièmes, son volume 1500 mètres cubes et 2 dixièmes, ce qui revient à dire qu'entièrement immergé, il déplace ou pèse 1500 mètres cubes ou tonneaux. Lorsque j'ai fait les plans de ce navire destiné à une navigation sous-marine, j'ai voulu qu'en équilibre dans l'eau, il plongeât les 9 dixièmes et qu'il émergeât d'un dixième seulement. Par conséquent, il ne devait déplacer dans ces conditions que les 9 dixièmes de son volume, soit 1356 mètres cubes et 48 centièmes, c'est-à-dire ne peser que ce nombre de tonneaux. J'ai donc dû ne pas dépasser ce poids en le construisant suivant les dimensions susdites. Le Nautilus se compose de deux coques, l'une intérieure, l'autre extérieure, réunies entre elles par des fers en T, qui lui donne une rapidité extrême. En effet, grâce à cette disposition cellulaire, il résiste comme un bloc, comme s'il était plein. Son bordé ne peut céder, il adhère par lui-même, non par le serrage des rivets et l'homogénéité de sa construction, due au parfait assemblage des matériaux qui lui permet de défier les mers les plus violentes. Ces deux coques sont fabriquées en tôle d'acier, dont la densité par rapport à l'eau est de 7-8 dixièmes. La première n'a pas moins de 5 cm d'épaisseur et pèse 394 tonneaux, 96 centièmes. La seconde enveloppe, la quille, haute de 50 cm et large de 25, pesant à elle seule 62 tonneaux, la machine, le lest, les divers accessoires et aménagements, les cloisons et les étrésillons intérieurs ont un poids de 961 tonneaux 62 centièmes, qui, ajouté aux 394 tonneaux et 96 centièmes, forme le total exigé de 1356 tonneaux et 48 centièmes. Est-ce entendu ? C'est entendu, répondis-je. Donc, reprit le capitaine, lorsque le Nautilus se trouve à flot dans ces conditions, il émerge d'un dixième. Or, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième, soit d'une contenance de 150 tonneaux et 72 centièmes, et si je les remplis d'eau, le bateau, déplaçant alors 1507 tonneaux, ou les pesant, sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur. Ces réservoirs existent en abord, dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets. Ils se remplissent, et le bateau, s'enfonçant, vient affleurer la surface de l'eau. Bien, capitaine, mais nous arrivons alors à la véritable difficulté. Que vous puissiez affleurer la surface de l'océan, je le comprends. Mais plus bas, en plongeant au-dessous de cette surface, votre appareil sous-marin ne va-t-il pas rencontrer une pression, et par conséquent subir une poussée de bas en haut qui doit être évaluée à une atmosphère par 30 pieds d'eau, soit environ 1 kg par centimètre carré? Parfaitement, monsieur. Donc, à moins que vous ne remplissiez le Nautilus en entier, je ne vois pas comment vous pouvez l'entraîner au sein des masses liquides. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, il ne faut pas confondre la statique avec la dynamique, sans quoi l'on s'expose à de graves erreurs. Il y a très peu de travail à dépenser pour atteindre les basses régions de l'océan, car les corps ont une tendance à devenir fondriers. Suivez mon raisonnement. Je vous écoute, capitaine. Lorsque j'ai voulu déterminer l'accroissement de poids qu'il faut donner au Nautilus pour l'immerger, je n'ai eu à me préoccuper que de la réduction du volume que l'eau de mer éprouve à mesure que ses couches deviennent de plus en plus profondes. « C'est évident, répondis-je. Or, si l'eau n'est pas absolument incompressible, elle est du moins très peu compressible. En effet, d'après les calculs les plus récents, cette réduction n'est que de 436 dix millionièmes par atmosphère ou par chaque 30 pieds de profondeur. S'agit-il d'aller à 1000 mètres ? Je tiens compte alors de la réduction du volume sous une pression équivalente à celle d'une colonne d'eau de 1000 mètres, c'est-à-dire sous une pression de 100 atmosphères. Cette réduction sera alors de 436 cent millièmes. Je devrais donc accroître le poids de façon à peser 1513 tonneaux 77 centièmes au lieu de 1507 tonneaux 2 dixièmes. L'augmentation ne sera conséquemment que de 6 tonneaux 57 centièmes. Seulement ? Seulement, monsieur Renax, et le calcul est facile à vérifier. Or, j'ai des réservoirs supplémentaires capables d'embarquer 100 tonneaux. Je puis donc descendre à des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs si je désire que le Nautilus émerge du dixième de sa capacité totale. À ces raisonnements appuyés sur des chiffres, je n'avais rien à objecter. J'admets vos calculs, capitaine, répondis-je, et j'aurai mauvaise grâce à les contester puisque l'expérience leur donne raison chaque jour. Mais je pressens actuellement une difficulté réelle. Laquelle, monsieur ? Lorsque vous êtes par 1000 mètres de profondeur, les parois du Nautilus supportent une pression de 100 atmosphères. Si donc, à ce moment, vous voulez vider les réservoirs supplémentaires pour alléger votre bateau et remonter à la surface, il faut que les pompes vainquent cette pression de 100 atmosphères, qui est de 100 kg par centimètre carré. De là une puissance que l'électricité seule pouvait me donner, se hâta de dire le capitaine Nemo. Je vous répète, monsieur, que le pouvoir dynamique de mes machines est à peu près infini. Les pompes du Nautilus ont une force prodigieuse, et vous avez dû le voir quand leurs colonnes d'eau se sont précipitées comme un torrent sur l'Abraham Lincoln. D'ailleurs, je ne me sers des réservoirs supplémentaires que pour atteindre des profondeurs moyennes de 1500 à 2000 mètres. Et cela dans le but de ménager mes appareils. Aussi, lorsque la fantaisie me prend de visiter les profondeurs de l'océan à 2 ou 3 lieues au-dessous de sa surface, j'emploie des manœuvres plus longues, mais non moins infaillibles. Lesquelles, capitaine ? Demandai-je. Ceci m'amène naturellement à vous dire comment se manœuvre le Nautilus. Je suis impatient de l'apprendre. Pour gouverner ce bateau sur tribord, sur bâbord, pour évoluer, en un mot, suivant un plan horizontal, je me sers d'un gouvernail ordinaire, à large safran, fixé sur l'arrière de l'étambot, et qu'une roue et des palans font agir. Mais je puis aussi mouvoir le Nautilus de bas en haut et de haut en bas, dans un plan vertical, au moyen de deux plans inclinés, attachés à ses flancs sur son centre de flottaison, plan mobile, apte à prendre toutes les positions, et qui se manœuvre de l'intérieur au moyen de leviers puissants. Ces plans sont-ils maintenus parallèles au bateau ? Celui-ci se meut horizontalement. Sont-ils inclinés ? Le Nautilus, selon cette inclinaison, est sous la poussée de son hélice, ou s'enfonce, suivant une diagonale aussi allongée qu'il me convient, ou remonte, suivant cette diagonale. Et même si je veux revenir plus rapidement à la surface, j'embraye l'hélice et la pression des eaux fait remonter verticalement le Nautilus comme un ballon qui, gonflé d'hydrogène, s'élève rapidement dans les airs. « Bravo, capitaine, m'écriai-je. Mais comment le timonier peut-il suivre la route que vous lui donnez au milieu des eaux ?» Le timonier est placé dans une cage vitrée qui fait saillie à la partie supérieure de la coque du Nautilus et que garnissent des vers lenticulaires. Des vers capables de résister à de telles pressions ? Parfaitement. Le cristal, fragile au choc, offre cependant une résistance considérable. Dans des expériences de pêche à la lumière électrique faites en 1864, au milieu des mers du Nord, on a vu des plaques de cette matière, sous une épaisseur de 7 mm seulement, résister à une pression de 16 atmosphères, tout en laissant passer de puissants rayons calorifiques qui lui répartissaient inégalement la chaleur. Or, les verres dont je me sers n'ont pas moins de 21 cm à leur centre, c'est-à-dire 30 fois cette épaisseur. Admis, capitaine Nemo, mais enfin, pour voir, il faut que la lumière chasse les ténèbres, et je me demande comment au milieu de l'obscurité des eaux... En arrière de la cage du timonier est placé un puissant réflecteur électrique, dont les rayons illuminent la mer à un demi-mille de distance. Ah, bravo, trois fois bravo, capitaine. Je m'explique maintenant cette phosphorescence du prétendu narval qui a tant intrigué les savants. À ce propos, je vous demanderai si l'abordage du Nautilus et du Scotia, qui a eu si grand retentissement, a été le résultat d'une rencontre fortuite. Purement fortuite, monsieur. Je naviguais à 2 mètres au-dessous de la surface des eaux quand le choc s'est produit. J'ai d'ailleurs vu qu'il n'avait eu aucun résultat fâcheux. Aucun, monsieur, mais quant à votre rencontre avec l'Abraham Lincoln... Monsieur le professeur, j'en suis fâché pour l'un des meilleurs navires de cette brave marine américaine, mais on m'attaquait, et j'ai dû me défendre. Je me suis contenté toutefois de mettre la frégate hors d'état de menhir, et elle ne sera pas gênée de réparer ses avaries au port le plus prochain. Ah, commandant, m'écriai-je avec conviction, c'est vraiment un merveilleux bateau que votre Nautilus. Oui, monsieur le professeur, répondit avec une véritable émotion le capitaine Nemo. Et je l'aime comme la chair de ma chair. Mais une question indiscrète peut-être se posait naturellement, et je ne pus me retenir de la lui faire. Vous êtes donc ingénieur, capitaine Nemo. Oui, monsieur le professeur, me répondit-il. J'ai étudié à Londres, à Paris, à New York, du temps que j'étais un habitant des continents de la Terre. Mais comment avez-vous pu construire en secret cet admirable Nautilus ? Chacun de ces morceaux, monsieur Aronnax, m'est arrivé d'un point différent du globe et sous une destination déguisée. Sa quille a été forgée au Creusot, en France. Son arbre d'hélice, chez Penn et Compagnie de Londres. Les plaques de tôle de sa coque, chez Laird de Liverpool. Son hélice, chez Scott de Glasgow. Ses réservoirs ont été fabriqués par Kyle and Company de Paris. Sa machine, par Krupp, en Prusse. Son éperon dans les ateliers de Motala, en Suède, ses instruments de précision chez Hart Frères de New York, etc. Et chacun de ses fournisseurs a reçu mes plans sous des noms divers. Mais, repris-je, ces morceaux fabriqués, il a fallu les monter, les ajuster. Monsieur le professeur, j'avais établi mes ateliers sur un îlot désert en plein océan. Là, mes ouvriers, c'est-à-dire mes braves compagnons que j'ai instruits et formés, et moi, nous avons achevé notre Nautilus. Puis, l'opération terminée, le feu a détruit toute trace de notre passage sur cet îlot, que j'aurais fait sauter si je l'avais pu. Alors, il m'est permis de croire que le prix de revient de ce bâtiment est excessif. Monsieur Aronnax, un navire en fer coûte 1125 francs par tonneau. Or, le Nautilus en jauge 1500. Il revient donc à 1687 000 francs, soit 2 millions, y compris son aménagement, soit 4 ou 5 millions avec les œuvres d'art et les collections qu'il renferme. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur. Vous êtes donc riche? Riche à l'infini, monsieur, et je pourrais sans me gêner payer les 12 milliards de dettes de la France. Je regardais fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité? L'avenir devait me l'apprendre.